Nous avons commencé à aborder l'histoire en tant que discipline scientifique. Mais il faut bien voir que c'est une science un petit peu particulière. Et nous allons voir pourquoi en abordant différents traits qui la caractérisent. Tout d'abord, c'est une science dont l'objet, ce qu'elle étudie, est assez différent des autres objets étudiés par les sciences. Alors, certes, le travail de l'historien s'apparente à celui de tout savant, c'est-à-dire qu'il est à la recherche d'une connaissance objective des faits passés, reposant donc sur des preuves, c'est-à-dire des éléments matériels qui garantissent la vérité de ces affirmations. Mais l'objet de la connaissance historique pose néanmoins un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, sa contingence. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, l'histoire, elle porte sur des faits, c'est-à-dire des événements passés. Or, un événement, c'est quelque chose de contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui aurait pu ne pas se produire. L'individu aurait pu agir autrement au moment où il agit. De même, si on prend une histoire qui s'étale sur une plus grande durée, hein, elle va concerner des croyances ou des institutions qui sont plus ou moins durables et changeantes. Il n'y a donc rien de nécessaire dans l'histoire. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être différent de ce qu'il est. Alors évidemment, la plupart des sciences étudient des phénomènes qui ont une dimension de contingence. Hein, à l'exception peut-être des mathématiques qui étudient la nécessité, toutes les sciences abordent aussi des phénomènes en grande partie contingents. Néanmoins, ce qu'on remarque dans les sciences de la nature, c'est qu'il y a un effort en particulier de rechercher des régularités. Donc, si ce n'est une nécessité absolue, du moins une certaine régularité. Mais en histoire, l'historien, lui, ne peut pas inférer, à partir des faits particuliers qu'il étudie, de quelconque loi universelle. Hein, il n'y a pas de loi de loi de l'histoire. Contrairement aux physiciens, il ne peut pas s'appuyer sur des modèles théoriques mathématisés qui lui permettraient de dégager des vérités qui seraient identiques pour toute l'histoire. Donc ça, c'est un première caractéristique de l'objet de l'histoire, de l'objet de la connaissance historique, c'est un objet contingent. Ensuite, il y a une autre caractéristique, c'est un objet qui n'est pas susceptible d'une observation directe. On ne peut pas faire l'objet d'une expérience présente. Pourquoi? Parce que, bon, d'une part, bon, l'histoire comprend des faits qui sont uniques, certes, on peut avoir des phénomènes qui se ressemblent, mais les faits passés ne vont pas se reproduire. Donc ça va bien distinguer l'histoire des sciences expérimentales qui vont chercher à reproduire artificiellement des phénomènes qu'elles étudient. Et donc là, ce n'était pas possible de faire ça. On ne peut pas faire en sorte de reproduire une situation passée aujourd'hui pour tester ce qui aurait pu être différent. Ça, c'est pas possible. Il y a certes des tendances, des cycles qui peuvent se répéter, comme on peut le voir, on avait mentionné dans une séance précédente les cycles économiques, mais pour autant, ce n'est pas une répétition d'une situation identique. Donc il y a un caractère singulier des événements. Et puis, c'est ce qui nous renvoie aussi à cette caractéristique, le fait que eh bien, l'objet historique, ce sont les faits passés. Ce qui est passé, c'est ce qui est révolu, ce qui n'est plus. On ne peut pas le voir directement. Donc c'est un objet qui s'observera nécessairement de façon indirecte, hein, qui n'est plus à disposition immédiate. Donc le travail de l'historien, il va falloir qu'il reconstitue les faits passés à partir de traces et de témoignages qui nous restent actuellement de ces faits passés. Et c'est donc là qu'on arrive à un deuxième point qui est celui de l'exigence de méthode. Bah, comment faire pour accéder à ces faits passés. Et donc là, on a une tâche qui est complexe. Qui est complexe. Il va falloir se doter d'une méthode critique. Une méthode critique, parce que pour reconstituer ces faits, on va devoir travailler à partir de données qui sont un petit peu problématiques. L'historien, il doit toujours conserver un certain recul par rapport aux traces, aux documents, à l'ensemble des sources dont il dispose, sur lesquelles il s'appuie pour travailler. Il doit résister, si vous voulez, à une tendance un petit peu naturelle qu'on peut avoir, une tendance simple, qui est de croire ce qui nous est donné immédiatement. Voilà, je prends un témoignage du passé et je vais croire ce que me dit la personne. Eh bien non, il faut résister à cette tendance. L'historien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à croiser les sources, à confronter les sources et à faire usage de son jugement pour départager les témoignages en mobilisant différents documents afin de s'approcher au possible du vrai. Et la vérité historique va s'appuyer sur des faits qui vont émerger de ce travail critique. Donc là, on peut citer un historien, un Marc Bloch, donc, qui est membre d'un courant historique qu'on appelle l'École des Annales, qui était un courant assez important au milieu du XXe siècle. Lui, il cherchait à distinguer les témoignages volontaires, hein, ceux que les acteurs de l'histoire ont fait eux-mêmes, en exprimant leur point de vue, en restituant ce qu'ils ont vu du passé, et les témoignages involontaires. Les témoignages involontaires, c'est les sources qui sont de l'ordre, par exemple, des documents administratifs, commerciaux. Et pour Bloch, il faut nécessairement favoriser les témoignages involontaires sur les témoignages volontaires. Les témoignages involontaires sont beaucoup plus neutres. Ils ne comportent pas en tout cas pas de la même façon, les mêmes biais que peuvent impliquer des témoignages volontaires. Témoignage volontaire, c'est toujours l'expression d'une position. Il peut être comporté un message, il peut comporter un mensonge, mais aussi des erreurs. Alors, on pourrait prendre un exemple très, très connu. Par exemple, notre connaissance de la guerre des Gaules et de la société gauloise avant la conquête par Rome, elle nous vient en grande partie des écrits de Jules César. Jules César, le général romain qui a manqué, enfin, dictateur, qui a manqué de devenir empereur, et donc qui a conquis la Gaule. Pourquoi est-ce que c'est via ces écrits? Bien parce qu'en fait, les Gaulois, à part les régions qui étaient déjà sous influence romaine, n'avaient pas d'écriture, et donc nous n'avons pas de traces directes des Gaulois. Donc notre témoignage vient d'un Romain, et en plus d'un Romain qui était un conquérant, donc qui cherchait aussi à se valoriser dans ses écrits. Donc évidemment, on est obligé de prendre une certaine distance vis-à-vis de cet écrit. On ne peut pas le lire au pied de la lettre parce que il y a toute une démarche chez l'auteur qui fait que ce n'est pas une source objective, ce n'est pas une source impartiale. C'est pourquoi Bloch nous le dit, préférons nous appuyer sur des sources beaucoup plus neutres, voilà, des documents administratifs qui eux ne vont pas comporter cette part de subjectivité qui est inscrite dans le témoignage.